Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Fadjet, dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie en parlant essentiellement d'économie locale. Lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique. Aujourd'hui, l'impact de la crise sanitaire sur l'immobilier résidentiel et professionnel, avec une table ronde autour de professionnels de l'immobilier que je vais vous présenter dans quelques instants. Alors, bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Instant Éco et merci d'être fidèle à Radio Fadjet. Alors, donc, l'Instant Éco s'est délocalisé donc, ce mois-ci au lycée Georges de la Tour à l'occasion de la journée d'apprentissage Maîtrise ta réussite organisée par le BTS Profession Immobilière avec le Greta de Nancy. Alors, je voulais remercier son proviseur, M. Pierre Cuny, de nous accueillir dans ses locaux. Et parmi notre auditoire, nous avons la classe des étudiants en première année alternance du BTS, donc Profession Immobilière. Alors, et oui, l'immobilier intéresse les Français, en témoigne encore le record de transactions dans l'immobilier ancien avec plus de 1,1 million de ventes en rythme annuel au premier semestre 2021. Un marché résidentiel qui a donc résisté malgré le contexte de la crise sanitaire. Mais à côté des agences immobilières classiques, il y a également les bailleurs sociaux qui logent près de 5 millions de Français. Enfin, l'immobilier, c'est également l'immobilier professionnel avec deux pôles principaux, l'immobilier commercial et l'immobilier de bureau. Alors nous allons évoquer tous ces secteurs de l'immobilier donc, et notamment évoquer l'impact de la crise sanitaire sur l'ensemble de cette branche immobilière avec nos invités que je vais donc vous présenter. Nous avons donc monsieur donc Sisla qui est membre du directoire donc du groupe Batigère Nancy, monsieur Colin qui est directeur du cabinet Itimo, donc c'est un syndic parisien et co-auteur d'un article sur l'impact du télétravail sur l'immobilier professionnel. Monsieur Dieudonné, qui est président de la chambre syndicale FNIM, donc Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges. Monsieur Ragon, qui est responsable de l'espace de coworking Le Verger sur Nancy. Enfin, monsieur Suti, qui est président régional de CBRE, spécialisé dans l'immobilier professionnel. Donc, merci d'avoir accepté donc, mon invitation et rentrons tout de suite dans le vif du sujet et parlons tout d'abord d'immobilier résidentiel. Hein. Voici quelques chiffres clés qui vont vous permettre de vous guider. Il faut savoir qu'en France, il y a 37 millions de logements, dont 29 millions de résidences principales, à peu près 82%, suivi par 3,2 millions de résidences secondaires, soit environ 10% du parc. Il faut savoir que la France détient le record dans le monde. Et enfin, 3 millions de logements vacants. Alors, 58% des ménages sont propriétaires de leur logement, 40% sont locataires, avec 23% avec un bailleur privé et 17% avec un bailleur public. Alors, monsieur Dieudonné, donc, après une année 2020 impactée par la crise sanitaire, les indicateurs donc, sont donc au beau fixe pour 2021 avec un nombre de transactions record attendu. Alors, pouvez-vous me confirmer cette tendance ? Alors, en effet, je vous confirme la tendance record pour 2021. On peut déjà signaler que 2019 était déjà une année record. Hein. Donc les records sont faits pour être battus et on devrait atteindre d'ici la fin d'année entre 1,150 million et 1,200 000 ventes. Alors ça, c'est sur le plan national. Peut-être faire un petit focus régional, moi qui est président de chambre locale, où là, on est sur un volume tout aussi important, peut-être un peu plus modéré, et qui est à nuancer en fonction des régions, puisque vous avez cité tout à l'heure dans ma représentation Meurthe-et-Moselle, Vosges et Meuse. Et on a un panorama un peu plus large, rural, qui parfois donc reste dynamique également en volume, mais est plus proche d'augmentation de 2 à 3% de volume de vente. On va y revenir tout à l'heure avec effectivement le regain d'intérêt pour les villes moyennes. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent expliquer ce record de transactions ? Alors, les facteurs, ils sont multiples. Bon, c'est vrai qu'il y a déjà un rebond pour ne pas cacher l'effet après Covid, c'est une évidence. Peut-être en ce qui concerne Meurthe-et-Moselle, Vosges et Meuse, un rattrapage. Peut-être également, puisque quand on fait toujours un focus pour se comparer, on se compare aux autres, et sur Paris, Le niveau de volume est toujours présent, mais le niveau des prix est en stagnation. Alors qu'il est en forte hausse sur nos régions, de l'ordre de 10% même pour la Meurthe-et-Moselle. Oui, et c'est vrai qu'il y a un regain d'intérêt alors, directement lié à la crise sanitaire pour les villes moyennes, hein, donc c'est-à-dire que les Français ont besoin d'espace. Est-ce que vous avez constaté au niveau de la demande de logement une volonté de quitter Nancy intramuros pour aller plus effectivement en périphérie ? Alors on quitte Nancy parfois, mais pour certains acteurs, certains projets familiaux, de ménage, mais le dynamisme nancéen, meurthe-et-mosellan, en général, reste toujours de la même attractivité. Non, je pense pas qu'on nuance toujours, c'est vrai que ça revient toujours dans les débats, est-ce qu'on quitte après le Covid pour avoir une résidence secondaire, c'est souvent le cas. Alors si on peut citer, j'ai vu Jean-Louis Marino qui est un acteur donc dans les Vosges, où là, et particulièrement sur Gérardmer, bon, ben là, c'est évident qu'il y a une attractivité plus que forte. Mmh. Alors, quel est actuellement le prix moyen, donc, même si on sait très bien qu'il y a des micro-marchés hein, dans le marché immobilier, mais en moyenne, quel est le niveau à Nancy des prix moyens dans l'immobilier ? Alors, c'est toujours un peu la question piège hein, quand on parle d'un prix, mais on peut être sur des prix moyens entre 1700 et 1800 euros le mètre carré sur ce qu'on peut considérer sur des produits type années 70, des résidences, donc parfois à rénover. Les prix, ce qu'on appelle porte d'or, donc entre les portes, et là, est plus proche des 2500 euros. Alors, en fait, tiré aussi par le neuf, hein, puisque le neuf, les tarifs, 3500, 4000 euros, c'est des prix qu'on peut retrouver. Donc ça tire vers le haut. Mais raisonnablement, effectivement, quand on parle de 2000 euros fourchette moyenne, on apprécie, là je vous parle de Nancy, hein, et on apprécie effectivement selon chaque caractéristique du bien. Donc je préfère plus parler que de tarifs, peut-être de pourcentage d'augmentation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 10% de hausse sur Nancy, ça c'est révélateur. Et de manière générale, sur l'observatoire de la FNAIM, Meurthe-et-Moselle-Vosges-Meuse, 5%. Voilà. Donc là, on peut plus se dire, on a une augmentation de 10 et 5% sur les différents territoires. Voilà, on verra dans la deuxième partie donc, de l'émission les perspectives pour l'année donc 2022. Alors, je vous l'ai dit, là, on a parlé de la transaction, mais à côté de la transaction, vous avez la partie donc, location. Et à côté du parc privé, hein, qui loge 23% des ménages, les bailleurs sociaux sont également sollicités, avec 17% donc, des ménages logés. Alors, avec le niveau élevé des loyers dans le parc privé, de plus en plus de Français veulent habiter en HLM. Il faut savoir qu'il y a 2,2 millions de demandes de logement social en France, donc soit une hausse de près de 20% depuis 2013, avec seulement 500 000 affectations par an, donc vraiment un décalage entre la demande et l'offre de logement. Alors, Monsieur Sisla, est-ce que vous pouvez confirmer cette tendance au niveau national, tout d'abord, ce décalage entre la demande et l'offre de logement social ? Oui, Monsieur Georgen, les chiffres que vous annoncez sont tout à fait vrais. 2,2 millions de demandeurs de logement HLM aujourd'hui, plus 20% par rapport à 2015. Alors que la population française, pendant ce laps de temps, n'a augmenté que de 2,8% et les décohabitations que de 4%. Donc il y a un vrai décalage aujourd'hui entre la demande qui est très forte et une offre. Malheureusement, nous sommes dans une période un peu compliquée en termes de production de logements sociaux, donc une pression de la demande qui est très forte. Alors ça dépend des territoires. Le territoire, je dirais, de la métropole du Grand Nancy n'est pas le plus touché, mais le territoire d'Île-de-France, PACA ou Rhône-Alpins est fortement touché. Donc il y a un vrai décalage aujourd'hui entre le besoin de logements sociaux et l'offre qui est disponible. Sachant que dans ces 2,2 millions de demandeurs de logements, il y a un tiers de demandeurs de mutation de logement pour des besoins de confort, des logements plus grands, par exemple. Et qu'aujourd'hui, en plus, compte tenu de la précarisation de l'occupation de ces logements sociaux, donc des locataires, ces locataires ont de plus en plus de mal à aller vers de l'accession à la propriété. Je rappelle que le logement social, normalement, c'est une étape dans le parcours résidentiel. Aujourd'hui, malheureusement, le logement social peut être plus une finalité et une fin de parcours résidentiel. Et donc, il y a un vrai blocage aujourd'hui. Hein, donc, moins de rotation de logements dans le parc, donc moins d'offres aussi disponibles pour des demandeurs de logements sociaux qui sont de plus en plus nombreux. C'est vrai. Et on assiste globalement à une paupérisation quand même des locataires dans le parc social. Dans le parc social. Donc enfin, le constat, il est évident. Les attributions de logements qu'on fait aujourd'hui au fil de l'eau, on peut considérer, vous savez qu'on est soumis à des plafonds de ressources par rapport à des financements de logements aidés. 80% des attributions au niveau national, hein, je ne parle pas de bâtigeurs, je parle au sens large, 80% des attributions, c'est des attributions à des personnes qui ont moins de 80% des plafonds HLM. Et aujourd'hui, 40% des attributions, c'est des personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc la demande de logement social aujourd'hui, elle se caractérise effectivement par une forte dégradation, précarisation, paupérisation de cette demande. D'où l'impérieuse nécessité, et c'est un peu la quadrature du siècle, que de produire du logement en masse et du logement abordable, voire très abordable. Donc les pouvoirs publics nous engagent à faire du logement très social. Mais aujourd'hui, encore une fois, il y a une sorte de panne en termes de production. Voilà. Alors justement, vous faites la transition. On va en parler dans quelques instants de ce manque de construction de logements sociaux. Avant, on va faire la première pause musicale, l'occasion de découvrir les coups de cœur musicaux de nos invités. Alors, Monsieur Sisla, quel a été votre coup de cœur musical ? Alors, moi, je suis fan de blues. Et en fait, j'ai découvert le blues dans ma période étudiante pendant la fac. Et dont un auteur, là, je vais vous faire découvrir. Peut-être vous connaissez, mais il ne passe pas beaucoup sur les ondes. Donc je vais vous laisser découvrir, c'est Stevie Ray Vaughan. Malheureusement, c'est quelqu'un qui est décédé prématurément. Mais c'est un personnage assez incontournable du monde du blues américain. Voilà. Eh bien, découvrons donc tout de suite Stevie Ray Vaughan. Voilà, c'était donc le premier coup de cœur de notre invité, Monsieur Sisla, Stevie Ray Vaughan. Voilà, donc avant la pause, monsieur, donc si cela nous avait donc confirmé la hausse de la demande par rapport donc à l'offre de logements sociaux et le manque de construction de logements sociaux. Alors je crois que fin septembre s'est tenu le 80e congrès des HLM où l'un des thèmes majeurs justement a été la production donc de logements sociaux. Alors pourquoi, monsieur Sisla, la France ne construit pas assez de logements sociaux? Alors c'est un vaste sujet, hein. Je ne sais pas si on aura le temps de le traiter complètement. En tous les cas, conjoncturellement, il y a des éléments qui expliquent ce manque de production de logement social. Je ne vais pas revenir, mais il y a des réformes très importantes qui nous traversent, et notamment une réforme importante en 2017, l'annonce de cette fameuse baisse des APL, qui a entraîné pour nous une baisse des loyers. C'était la réduction de loyer de solidarité qui a impacté fortement nos capacités financières. Baisse de la production dès 2018, relativement importante. Le confinement de l'année dernière, il faut savoir quand même qu'on a eu des arrêts de chantier entre 2 et 5 mois d'arrêt de chantier. La hausse de la production des matières premières aussi, hein, qui impacte tout ça. Une concurrence que je qualifierais d'un peu moins loyale aujourd'hui, même entre organismes HLM, c'est-à-dire qu'il y a une pression aussi sur le foncier qui fait que les prix augmentent et que les opérations sont de plus en plus compliquées à sortir. Donc, effectivement, l'année dernière, 2020, des chiffres qui sont vraiment alarmants, puisqu'on n'est qu'à 80 000 agréments nationaux, alors que d'habitude, on est à 120 000. Le gouvernement s'en est ému. On a signé un plan de relance au niveau national pour être dans les deux prochaines années à 250 000 logements construits sur 2 ans. La marche est très haute et je pense que la profession ne sera pas au rendez-vous. Et d'ailleurs, le gouvernement a demandé à M. Rebsamen, l'ancien ministre du Travail, qui est maire de Dijon, de monter une commission pour essayer de lever les freins et essayer de débloquer un peu les opérations de logements sociaux. Donc il y a effectivement un certain nombre de propositions qui ont été faites au mois de septembre, qui ont été reprises par le Premier ministre qui est venu nous voir au congrès HLM de Bordeaux. Des propositions de mesures fiscales, alors je ne vais pas rentrer dans des détails assez techniques, mais quand on construit du logement social aidé, les communes, nous on bénéficie d'une exonération de taxes foncières pendant 25 ans. Donc ça veut dire des recettes en moins pour la collectivité locale. Vous n'êtes pas censé, vous n'ignorez pas non plus la réforme de l'État en termes de fiscalité locale, et notamment l'abandon de la taxe d'habitation pour les collectivités locales. Donc aujourd'hui, les collectivités locales sont aussi extrêmement gênées en termes de fiscalité. Et donc là, le Premier ministre a pris la balle au bond de la commission Rebsamen qui accorde en fait une garantie pendant 10 ans de compensation de cette exonération de taxes foncières pour les communes. Donc on espère que ce point-là lèvera en partie les freins et permettra un redémarrage de la construction. C'est un des leviers, sans doute pas suffisant, mais c'est quand même intéressant à souligner. Très bien, merci Monsieur Sisla pour votre témoignage. Alors nous avons abordé donc avec les propos de Monsieur Dieudonné et Monsieur Sisla l'immobilier résidentiel, tant au niveau du parc donc privé que du parc social. Mais il y a également un autre parc immobilier important, le parc immobilier professionnel. Alors Monsieur Suti, vous dirigez une des antennes régionales du groupe CBRE, spécialisée en immobilier professionnel. Pouvez-vous nous faire un état des lieux de l'immobilier commercial et de bureaux après cette crise sanitaire aux retombées historiques? Bonjour. L'état des lieux, il est difficile à faire. On sait que l'année dernière a été très fortement impactée avec, sur le marché des bureaux, des baisses de l'ordre de moins 40%, ce qui est énorme parce qu'il y a toute la production, la promotion qui s'ensuit. On a surtout eu un très gros blocage de la demande en matière de bureaux. On s'est retrouvé du jour au lendemain confiné. Loin de nos clients, c'était un petit peu plus difficile. On a appris à travailler comme tout le monde à distance et ça s'est pas trop mal passé, sauf qu'une fois qu'on a été déconfiné, on a été déconfiné au mois de mai, dans les périodes où tout le monde solde ses congés, prépare les congés d'été, donc on a commencé à retravailler au mois de septembre. On a eu une activité sur 6 mois qui a été relativement compliquée. Au niveau de la demande, le gros changement depuis l'année dernière, c'est qu'on a introduit, ça n'a échappé à personne, le télétravail. Donc avec des modes de fonctionnement complètement différents pour l'utilisation des bureaux. Et surtout quelque chose qui ne s'est pas généralisé, qui commence seulement à dégager quelques tendances fortes. On sait aujourd'hui que certaines administrations, certaines catégories comme la banque ou l'assurance ont déjà adopté en tout cas une notion télétravail qui est dans les accords sociaux. La grosse différence aujourd'hui, c'est qu'on a un raisonnement qui est complètement différent du raisonnement passé. Quand on avait 100 personnes à loger sur une équipe, on ne se posait pas beaucoup de questions. On savait grosso modo il fallait 1500 m² de bureaux parce qu'on était soit en bureau individuel, soit sur des bureaux partagés. Aujourd'hui, on ne raisonne plus forcément en nombre de salariés, on va raisonner en poste de travail. Donc sur 100 personnes, quand on enlève 5 semaines de congés payés, 15 jours, 3 semaines de formation, un petit peu de maladie, 35 heures, des horaires décalés, une journée ou deux journées de télétravail, bah finalement on a besoin de 60-65 postes de travail pour être confortable. Alors, je rebondis sur vos propos. Hein. Donc, vous avez évoqué donc, le cas d'administration ou d'entreprise privée. Récemment, le groupe Stellantis, qui est le groupe résultant de la fusion entre PSA et donc Peugeot, Société Anonyme, et Fiat Chrysler, a annoncé que le télétravail allait devenir une norme pour tous les salariés du groupe automobile qui n'ont pas des tâches de production. Alors, Monsieur Suiti, n'avez-vous pas peur que cette montée en puissance du télétravail aboutisse, contrairement à ce qui se passe sur le marché résidentiel, à un excès d'offres par rapport à la demande en termes de bureaux, de mètres carrés de bureaux? Est-ce que ça pourrait à terme aboutir à cette, notamment en région parisienne, peut-être? Alors sur la région parisienne, il y a quand même un élément complémentaire sur le télétravail, c'est que c'est très confortable pour les gens qui en bénéficient. Quand vous restez une journée chez vous en télétravail, vous gagnez en moyenne 3 heures de transport pour aller bosser, donc clairement c'est beaucoup plus facile et c'est très tentant. Chez nous, c'est pas tout à fait la même chose. Après, même s'il y a des orientations très très fortes qui sont prises, j'imagine pas un ingénieur, même s'il n'est pas directement dans la production, pas aller voir ce qui se passe dans son usine. Après, sur le télétravail en lui-même, on sort un peu de l'immobilier, mais comme on a fait un test grandeur nature et forcé, on a vite vu les avantages, ça c'était quelque chose de bien, mais on a tout aussi très vite vu les gros inconvénients du télétravail, avec une absence de relation, avec une absence de circulation de l'information au sein des bureaux. Donc qu'il y ait une petite part de télétravail sur un jour, deux jours maximum par semaine, c'est quelque chose qui paraît à peu près évident, parce que c'est la direction qu'ont pris les gros utilisateurs, et ils seront forcément imités. On n'ira pas sur du télétravail total, mais on ira, au contraire, on a aujourd'hui une tendance à réobserver le fonctionnement du bureau, à le réadapter, à en faire quelque chose de plus humain, à en faire un lieu de vie. On vit chez soi, mais le bureau peut devenir un lieu de vie aussi. Et c'est vrai que le télétravail qui était donc très demandé avant la crise sanitaire, il semblerait que maintenant certains salariés, effectivement, ont vu les limites du télétravail. Il y a des retours en arrière. Voilà. Après, sur la consommation de bureaux, pour répondre à la question, on anticipe bien évidemment une baisse des surfaces. On commence à le sentir aujourd'hui, où une grosse direction régionale sur Nancy, par exemple, une grosse direction régionale bancaire qui était locataire ou propriétaire autour de 5000 m² de bureaux, son besoin aujourd'hui, il est redescendu à 3000 ou 3005. Donc effectivement, on aura de la libération, mais de la libération au fur et à mesure des baux, au fur et à mesure des échéances. On aura de la libération aussi en fonction de l'offre disponible sur le marché. Ça, c'est un autre sujet, parce qu'on retrouve à peu près la même problématique que pour le logement social. On n'a pas de terrain. On n'a pas de foncier. En plus, les changements politiques sur le Grand Nancy, comme sur Metz, mais dans le sens inverse, ça a conduit à un gel des projets. Donc la production de neuf pour les années qui viennent, elle se rapproche de zéro. Donc c'est une affaire à suivre donc dans les mois à venir, et je vous poserai tout à l'heure dans la deuxième partie justement les perspectives en matière d'immobilier de bureau. Alors Monsieur Suiti, deuxième pause musicale. Alors quel a été votre choix musical pour cette émission de l'Instant Écho? Je crois que j'ai mis 15 secondes à vous répondre. C'était souvenir de confinement, circulation en voiture pour aller au bureau, accessoirement pour aller faire les payes. Circulation dans des rues complètement vides. C'était l'époque où est sorti le dernier single des des Stones. Alors, Stones, chez moi, c'est une longue histoire, mais c'est un monument, c'est 60 ans de rock'n'roll. Et la vidéo était totalement stupéfiante, avec des passages caméra sur des villes totalement désertées, et puis la musique était plutôt sympa. Ben écoutons votre coup de cœur, Monsieur Suiti. Voilà, c'était le coup de cœur de Monsieur Suiti, donc Rolling Stone. Fat Jet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. Alors pour terminer sur l'immobilier professionnel, je voudrais évoquer la montée en puissance d'un nouveau concept, le concept de coworking, c'est-à-dire ces espaces de travail partagés, ouverts et conviviaux, incluant des lieux de réunion, de rencontres et encourageant généralement l'échange et l'ouverture. Donc un véritable engouement. Alors Monsieur Ragon, vous êtes responsable de l'espace de coworking Le Verger à Nancy. Alors en quoi ces espaces de coworking sont-ils une réponse aux besoins des entreprises aujourd'hui ? Eh bien, bonjour. C'est sûr, c'est une vraie évolution par rapport aux besoins des entreprises, mais c'est même une évolution au niveau sociétal. Aujourd'hui, il y a toute la digitalisation des activités. Comme le disait M. Suiti, c'est d'une part, les entreprises réduisent clairement aussi leur charge fixe en termes de location. Il y a une évolution réglementaire avec l'obligation du télétravail. Donc, avec la digitalisation qui facilite fortement la possibilité à des personnes de travailler de manière détachée. Donc, on a eu... Nous, sur l'espace de coworking Le Verger, on est ouvert depuis 2018. Donc, c'est sûr qu'il y a, un essor qui est quand même très positif de notre côté. On a énormément de sollicitations. Et puis, il y a toujours aussi une évolution sociétale qui est liée aussi à l'externalisation des activités. On fait de plus en plus appel aujourd'hui à des prestataires qui sont aujourd'hui des auto-entrepreneurs dans tous les domaines. Donc, c'est toutes des personnes aujourd'hui qui ont testé le télétravail chez eux et qui finalement ont perdu un peu le goût aux relations professionnelles et recherchent aujourd'hui un besoin d'un tiers-lieu pour justement pouvoir retrouver une convivialité et un échange avec un esprit d'équipe, quoi. Nous, aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'avantage dans cet espace de coworking, c'est qu'on a une grosse difficulté pendant la crise sanitaire, où ça a été très, très calme pendant plusieurs mois. Mais là, depuis septembre, ça a été très dynamique, ça se relance très fortement. Ouais. Bon, monsieur Ragon, donc le temps passe très vite, donc on va vous retrouver la semaine prochaine pour la suite de l'Instant Éco. Donc merci, donc ça, ainsi s'achève cette première partie donc, de l'Instant Éco délocalisé au lycée Georges de la Tour, hein, à l'occasion des journées de l'apprentissage en association avec donc, le Greta de Nancy. Après cette première partie orientée plutôt sur l'impact de la crise, on verra davantage donc, l'avenir la semaine prochaine. Merci à Valentin pour la gestion de la partie technique. Bonne semaine à vous et n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fat Jet. We'll be right back. Fadjet, c'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio.